Et si le monde pouvait se mettre sur pause, oui, juste le temps de le repeindre en rose. Ouais, si le monde pouvait se mettre sur pause, j'aurais aimé revivre certaines choses. Je repense au bon vieux temps, j'ai trop de souvenirs. Le temps c'est pas de l'argent, surtout dans mes souvenirs. Trop rêveur. Je me rappelle qu'on était tous ensemble, frère. Souviens-toi de ce qu'on s'était dit à l'époque où c'était nous les petits. Trop d'images en tête, j'suis trop nostalgique. Viens, on fait une pause. Trop de souvenirs. Viens, on refait le monde. Trop de souvenirs. Viens, on refait le monde. Trop de souvenirs. Viens, on refait le monde. Trop de souvenirs. Trop de souvenirs. Viens, on refait le monde. Ce soir ou demain, quand tu veux, oui, on remet ça. Ce soir ou demain, quand tu veux, oui, on remet ça. Ce soir ou demain, quand tu veux, oui, on remet ça. Ce soir ou demain, quand tu veux, oui, on remet ça. Les fêtes de quartier, les barbacs d'été, là-bas qui nous guettait, maman qui s'inquiétait, pack-pack était pété, le lendemain regretté. Les meufs c'était pas ça, j'avoue j'étais pas stable. Ça fumait le popo. Toi tu connais pas ça, laisse-moi te raconter. Y'avait zéro calcul, ça savait pas compter, mais ça se l'a raconté. Frère laisse tomber. On avait un dream, un peu comme Biggie. Tu ne nous voyais pas, nous dans l'après-midi. Ambiance nocturne, l'époque section. On attend que la roue tourne, on se pose des questions. 98, coupe du monde. Je voulais déjà prendre mes gars pour qu'on se coupe du monde. Le temps est passé, ça fait plus de 10 ans. Les visages sont marqués, mais j'ai la même vision, frère. Souviens-toi de ce qu'on s'était dit à l'époque où c'était nous les petits. Trop d'images en tête, j'suis trop nostalgique. Viens, on fait une pause. Trop de souvenirs. Viens, on refait le monde. Trop de souvenirs. Viens, on refait le monde. Trop de souvenirs. Viens, on refait le monde. Trop de souvenirs. Trop de souvenirs. Viens, on refait le monde. Ce soir ou demain, quand tu veux, oui, on remet ça. Ce soir. Ah.